L'asile le plus sûr, votre rendez-vous sur Antenne du 94 MHz des musiques inouïes et à la marge. Et une émission également diffusée sur son site asile35.blogspot.fr ou sur le mixcloud.com/redman avec l'intégralité des playlists et les commentaires, présentation des différents titres diffusés à l'antenne. Alors, comme la chaleur commence à poindre le bout de son nez, je propose un programme totalement caniculaire qui démarre avec Spray Paint, qui est un combo noise punk ou post-punk qui a émergé du côté d'Austin début 2013, qui en est déjà à son quatrième opus. Les deux premiers étaient sortis sur le label de Sacramento SS Records, le troisième sur Monophonus Press, l'excellent Clean Blood Regular Acid qu'on vous avait proposé ici même lors de sa sortie à l'automne dernier, et ils viennent de faire paraître leur quatrième album en date sous le titre Punters on a Barge, qui est sorti sur le label de Melbourne Homeless en vinyle, sorti début juin. Et donc ces Texans qui sonnent comme un croisement entre The Fall, This It ou encore Brain Bombs, ça fait aussi pas mal penser à Sonic Youth ou encore à Big Black. Leur mélange sonore assez envoyé avec des guitares un tantinet no wave et atonal. Alors, les Américains disent que c'est du skronk, ce qui est un terme assez générique qui va très bien à ce type de musique. En tout cas, c'est de l'excellent free rock comme on en écouterait tous les jours. 10 titres en moins d'une demi-heure, toujours des morceaux très très envoyés et des albums au pied levé. Et on démarre avec un extrait de ce Punters on a Barge de Spray Paint, le morceau très bien nommé Polar Beer, qui est une bière de chez Pils. Cause I'm crie, elle s'étire. La chaudière s'emballe. Ça claque et ça cliquette, ça rugit et ça fume. Tout vibre dans nos têtes lourdes comme des enclumes. Ça craque dans la soute et soudain on a peur. Quelqu'un prudent sans doute a renversé la vapeur. Séquence pour bien sombrer avec les sélections de l'Asile le plus sûr. On a démarré avec les Spray Paint, qui est un groupe que j'ai découvert à l'automne dernier à l'occasion de la sortie de leur troisième album. Celui qu'on écoutait, c'est le quatrième, qui s'intitule Punters on a Barge. Et donc, un excellent groupe, un peu dans la lignée de ce que pouvait faire Sonic Youth, par exemple, au milieu des années 80, ou encore Big Black, quelque chose de très très noise, extrêmement bien envoyé, des titres au cordeau de bout en bout. C'est vraiment un album qui claque, ce Punters on a Barge, sorti sur le label Homeless Records, qui est une étiquette de Melbourne en Australie. On aura peut-être l'occasion de repasser d'autres titres de la musique de ces Texans, qui étaient enchaînés avec un vieux groupe qui n'avait rien à voir, combo jazz-funk français, qui existait jusqu'au milieu des années 80, de la fin des années 70 au début au milieu des années 80 et qui a sorti trois disques dans l'esprit un peu étronfou Le Loup Blanc. Il s'agissait des I, qui était un combo dans lequel officiait au saxophone et à la voix Bruno Meyer, qui était aussi membre de étronfou vers 1981-82. Et d'ailleurs, c'était aussi produit par Ferdinand Richard, le bassiste chanteur d'étronfou. Cette formation, les I, qui avait sorti donc un disque chez Celluloid en 81, un autre au Champ du Monde en 83 et chez Aya Records à peu près au moment où ils se sont dissous dans la stratosphère en 1986. Les I, à l'occasion d'une reformation de cette formation un peu atypique et assez symptomatique des musiques de traverse hexagonale des années 80 qui se reforment. Apparemment, ils devraient faire un concert le 30 juin au Fil de Saint-Étienne. Alors je me dis que peut-être vu la dernière catastrophe à l'Eurovision pour la chanteuse française, on pourrait peut-être proposer les I avec leur texte totalement absurde et décalé pour l'édition 2016 de l'Eurovision. En tout cas, Bruno Meyer au saxophone et à la voix, quelqu'un de très très intéressant, promoteur des musiques innovatrices depuis le milieu des années 80, notamment avec son festival du même nom et aussi son association Toto N'aime pas le bruit. Il s'était aussi occupé du label Saxophone et Musiques Innovatrices et du distributeur Orchestra qui produit et qui également distribue quantité de choses du côté des musiques de traverse, donc depuis une bonne trentaine d'années. Voilà pour les I qu'on avait jamais eu l'occasion évidemment de vous proposer sur l'antenne du 94. Quant au groupe qui va enchaîner, j'ai déjà eu l'occasion de vous les présenter. Il s'agit de The Wild Classical Music Ensemble, un ensemble de musiciens trisomiques mené par le batteur Damien Magnette, et ils viennent de sortir leur deuxième disque Taping is Clapping, qui est sorti d'abord chez Born Bad, qui a sorti ça pour le Record Store Day, et c'est aussi disponible grâce au bon soin des labels Humpty Dumpty Records et Mon Cul C'est du Tofu ou encore Attila Tralala, formation dans laquelle officie l'infâme Rudy Calante, Kim Verbeck qui est à la guitare, et aussi le bassiste et chanteur Sébastien Federbe, et il y a aussi Johan Ginens, puisque ce sont des Belges. C'est Wild Classical Music Ensemble qui réside du côté de Courtrai. On va écouter un titre que je voulais vous proposer le mois dernier et je m'étais trompé dans ma sélection sur ce 33 tours, et donc on va réparer cette erreur avec le morceau The Wind, qui d'ailleurs a une vidéo officielle à voir de toute urgence sur le site du Wild Classical Music Ensemble, ainsi que 6-7 vidéos de concerts récents. On écoute cet excellent groupe de rock complètement barré, ce Wild Classical Music Ensemble, avec le titre donc The Wind. Vous êtes toujours dans l'asile le plus sûr sur Antenne du 94 MHz avec une séquence qui a démarré avec le plus grand groupe du monde. Ça c'est votre serviteur qui l'affirme. The Wild Classical Music Ensemble Taping is Clapping. Album publié conjointement par Born Bad et Humpty Dumpty Records et quelques autres. Excellent groupe que je n'ai jamais eu l'occasion de voir en concert. Pourtant ils sont passés pas si loin de chez nous du côté du lieu unique au printemps dernier, qui était enchaîné avec une danse du ventre sous acide grâce au projet EEK, le retour de Islam Chipsy, le Kerot qu'on avait pu découvrir aux dernières transmusicales pour sa première tournée en France, le roi de l'électro Shahabi sur synthé complètement paranoïaque. L'objectif du monsieur apparemment c'est de faire basculer les auditeurs dans un autre monde, qu'ils deviennent complètement fous à l'écoute de sa musique. Et bien c'est chose faite avec ce nouvel album qui s'intitule Karaba, sorti sur le label égyptien de monsieur Hicham Chadli, qui est totalement spécialisé dans l'expérimental et qu'on suit depuis quelques années, l'excellent label Nashas Phone, qui sort tout autant des projet européen dans le rock avant-garde que des choses un peu bizarroïdes du côté du jazz contemporain et aussi matinée d'électronique. Et donc depuis deux ans ils nous livrent la musique de ce Kerot. Ils avaient déjà sorti un premier album qui était un live qui était sorti je crois que c'était début 2014 sous le titre Kero Eye Cinema Institute, qui est à peu près du même tonneau par monsieur Islam Chipsy et ses deux collègues batteurs. Et donc il récidive avec son premier album officiel enregistré en studio et d'ailleurs enregistré grâce à des musiciens hors pair, monsieur Mahmoud Refat, qu'on a pu vous passer dans cette même émission, qui est un musicien qui fait des choses en électroacoustique très très intéressantes. Et ça a été masterisé aussi ce disque de Islam Chipsy Karaba par Mark Jenkins Jengiz de Sublime Frequencies. Donc autant dire que c'est vraiment très très réussi ce synthé Yamaha endiablé avec 4 pièces, uniquement 4 pièces, et des titres très très très longs autour de 10 minutes et quelques, donc histoire de vous rendre fou ou peut-être pour animer vos barbecues de l'été. Ce disque EEK de Karaba, qui devrait être disponible d'ailleurs sur Rennes à la boutique Blind Spot, puisque je sais que Pierrot et Fred sont complètement redingues de ce projet de Islam Chipsy. Voilà, on va continuer et enchaîner avec tout autre chose, et le projet Popular Mécanique, qui était un projet berlinois totalement obscur du début des années 80, plutôt de synth-pop wave, qui avait sorti deux cassettes entre 82 et 83. Donc un groupe totalement méconnu de post-punk germanique dans lequel officiait Wolfgang Seidel, qui fut le fondateur de Tone Steine Scherben et aussi collaborateur de Konrad Schisler dans le groupe Eruption. Donc un projet plutôt du début des années 80, mais issu du creuset du rock allemand de l'époque du Zodiac Club de Berlin, le mythique club d'où sont sortis les groupes Cluster, Agitation Free, Ashra Temple, Tangerine Dream et autres entre 1968 et 1969. Et donc Wolfgang Seidel, qui était batteur à l'époque, a continué à bricoler des choses plutôt aussi dans l'électronique, un peu à l'image de ce projet donc Popular Mécanique. Apparemment il est toujours actif ce monsieur, puisqu'on l'a l'a retrouvé aussi ces dernières années aux côtés du saxophoniste Alfred Hart. Et ces jours-ci, plus exactement ces derniers mois, est sortie une compilation de Popular Mécanique grâce au bon soin du label Bureau B. Voilà, l'excellent label qui réédite à peu près tout ce qui bouge ou ce qui bougeait dans le domaine des musiques kraut allemandes depuis les années 60. Et Bureau B s'est entiché d'une idée de sortir des compilations sous le titre Collection. Ils ont déjà sorti 4 ou 5 volumes. Celui-ci donc est le troisième. Et il a été compilé par Holger Hiller de Palais Schaumburg. Et il y a eu notamment dans cette série Collection une anthologie autour du label Sky Records ou encore autour de Monsieur Rodelius de Cluster. Et cet été devrait sortir le cinquième titre de cette série avec une anthologie autour de la musique de Konrad Schnitzler. L'idée étant de confier ce type de florilège à un musicien plutôt électronique contemporain. On va écouter donc un extrait sans plus attendre de la musique de Popular Mécanique avec le titre Andy Hoffnung, avec toujours un accent allemand à couper au couteau, sur cette anthologie donc du label Bureau B. Hoffnung, holde, gütig, geschäftige, die du das Haus der Trauernden nicht verschmähst und gerne dienend, edle, zwischen Sterblichen waltest und Himmelsmächten. Wo bist du? Wenig lebt ich, doch atmet kalt mein Abend schon. Und stille, den Schatten gleich bin ich schon hier und schon gesangslos schlummert das schauernde Herz im Busen. Im grünen Tale dort, wo der frische Quell vom Berge täglich rauscht und die liebliche Zeitlose wie am Herbsttag aufblüht. Dort in der Stille, du Holde, will ich dich suchen. Oder wenn in der Mitternacht das unsichtbare Leben im Heinewald und über mir die immer frohen Blumen, die blühenden Sterne glänzen. Du des Äthers Tochter, erscheint dann aus deines Vaters Gärten und darfst du nicht ein Geist der Erde kommen? Schreck, o Schrecke, mit anderen nur das Herz mir. Hoffnung, holde, gütig, geschäftige, die du das Haus der Trauernden nicht verschmähst und gerne dienend, edle, zwischen Sterblichen waltest und Himmelsnächten. Wo bist du? Wenig lebt ich, doch atmet kalt mein Abend schon. Und stille, den Schatten gleich bin ich schon hier und schon gesangslos schlummert das schauernde Herz im Busen. Thank you.

Petite triplette de titres enchaînés sur l'antenne du 94 MHz dans les sélections de l'asile, le plus sûr de cette semaine. Et pour tout vous dire, on a fait exprès de mélanger un peu les époques avec donc des titres qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Difficile de savoir ce qui était antérieur ou postérieur dans les trois morceaux qu'on entendait. Trois titres totalement atypiques, tout d'abord Popular Mécanique avec les spoken word en allemand, extrait de cette anthologie qui retrace un peu les frasques sonores de Wolfgang Seidel et ses affidés au sein de ce projet, troisième volet de la série Collection de cet excellent label originaire de Hambourg qui se consacre à la défense et illustration du rock allemand de l'après 68, Bureau B. Ils ont commencé principalement par éditer des choses de l'époque krautrock, mais pas que, aussi des projets post-punk, de ce qu'on peut appeler la New Dutch Wave, la New Wave allemande en quelque sorte. Toutes choses qu'on peut entendre dans le son que produit Felix Cobin, par exemple, ces dernières années. Un excellent projet, donc, ce Mécanique. Et d'ailleurs, je vous signale que si vous vous intéressez à cette scène et musique allemande, toute cette histoire est retracée dans l'excellent livre de mon camarade Eric Dehay, Au-delà du rock, aux éditions Le Mot et le Reste, qui est toujours disponible, je crois, dans toutes les bonnes crèmeries, ou possibilité aussi de le commander par le net ou à partir de l'éditeur marseillais. Voilà donc pour Popular Mécanique, qui était le premier titre qu'on entendait dans cette séquence, qui était enchaîné avec la musique de M. Zala et l'album Problemi Doji, qui lui était antérieur. Donc là, la première séquence plutôt vers 82-83. Puis on a fait un petit saut dans le temps, 10 ans en arrière, avec ce projet qui avait sorti un disque plutôt de librairie sonore sur Luto Records qui vient tout juste d'être réédité par Black Sweat Records, qui est plutôt un label de musique psychédélique, parfois aussi un tantinet New Age. Ils ont réédité notamment la musique de Ariel Kalma ou encore de J.D. Emmanuel, mais également de l'électroacoustique avec Piotr Kurek ou encore des rééditions de Futuro Antigo. Et M. Zala, c'était l'un des nombreux alias de Piero Umiliani, qui se faisait aussi parfois appeler Mogi, qui est décédé en 2001 et qui est l'auteur du fameux Mana Mana en 1968, qui fut popularisé par le Muppet Show, bien évidemment, et qui est un illustre compositeur de musique de film, de quantité de musique de film. Je crois qu'il en a fait à peu près 200 au compteur, notamment aux côtés d'Ennio Morricone à partir de la fin des années 60. Il a aussi produit une quarantaine d'albums de librairies sonores très très recherchées sous quantité d'alias. D'ailleurs, ils sont réédités assez régulièrement de manière non officielle ou totalement officielle, comme ce Problemi Doji sur Black Sweat Records. Il est aussi l'auteur de génériques TV plutôt illustre. Je crois qu'il y a des musiques qu'on a pu entendre dans les années 80 de Monsieur Piero Umiliani. Et c'était ça précédait le dernier titre de la séquence d'un groupe ou d'un projet plus exactement assez mystérieux qu'on vous a proposé déjà la semaine dernière, que j'ai pas mal réécouté le week-end en préparant l'émission et aussi dans mes déplacements. Pour tout vous dire, le projet Acolytes est ce premier album éponyme du mystérieux londonien qui se fait appeler D-Chan, sorti chez Alter Records, le label de l'ex-Birds of Delay Luke Younger alias Helm. Donc un projet totalement contemporain, mais un projet plutôt dans le registre d'une certaine sonorité de la fin des années 70 et des années 80, un peu autour de ce qu'on pouvait entendre en Angleterre grâce aux Homosexuals et à leur label It's War Boys, ou encore du côté de San Francisco avec Ralph Records et les Residents. Ça fait pas mal penser aussi à Nurse With Wound, un projet complètement cintré, donc sorti sur cette excellente marque Alter de Luke Younger, qui existe depuis 2010 et qui sort plutôt des choses dans le domaine des musiques électroniques nouvelles. Voilà, on va enchaîner avec tout autre chose et une séquence de jazz free contemporain et la musique de Michael Zerang, qui est un batteur de Chicago qu'on suit depuis quelques années. Il est collaborateur de quantité de musiciens importants du jazz free. Notamment, il a fait partie de tous les projets américains de Peter Brotsman. On l'a aussi souvent retrouvé aux côtés de Joe McPhee ou encore de Fred Langberholm ou Ken Vandermark. Donc un peu toute la scène du jazz free de Chicago. Et il vient de se fendre de deux disques de son tout nouveau projet The Blue Lights, dans lequel on le retrouve aux côtés de deux saxophonistes totalement brillantissimes, Mars Williams du Energy Ensemble et Dave Rampis. Et ils sont aux côtés de Josh Berman, qu'on connaît un petit peu moins, au cornet, et Ken Kessler à la contrebasse. Donc Michael Zerang est à la batterie et percussion. Il s'est sacrément bien s'entouré le bougre. Il s'agit d'extraits de concerts de 2014, notamment au club The Hungry Brain de Chicago. Deux disques, donc pas moins de deux disques coup sur coup sur son propre label qu'il vient de fonder, Pink Palace. On va démarrer avec Songs from the Big Book of Love, et il s'agit d'une ambiance plutôt de jazz d'Abyssinie, jazz un peu éthiopien sur les bords. Les pochettes sont totalement à l'avenant, et en préparant cette émission, j'ai découvert que Michael Zerang venait d'une longue lignée d'Assyriens installés aux États-Unis, donc apparemment un retour aux sources pour ce batteur américain, et on découvre sa musique tout de suite avec un extrait de son projet The Blue Lights, le titre Dancing for Cigarettes. Michael Zerang et ses Blue Lights sur l'antenne du 94 MHz dans l'Asile le plus sûr. Excellent projet en compagnie de Mars Williams, Dave Rumpis, Josh Berman et Ken Kessler pour ce batteur de Chicago qui s'est fendu de pas moins que de deux albums longs. Celui qu'on entendait tout d'abord qui est sorti en CD, Songs from the Big Book of Love. C'est sorti sur son propre label Pink Palace, et celui qu'on écoutait juste dans l'enchaînement, c'était un bonus sorti lui en cassette et téléchargement sous le titre Ash Eaters and Peace Keepers, qui est aussi un à peu près le même genre de titre et d'ambiance, donc une musique plutôt qui fait penser à une réunion de famille du côté de Tanger, un peu post-beat generation, dans les fumées et les vapeurs du hashish, pour cet excellent projet, donc les Blue Lights de Michael Zerang, un mélange de jazz free et de musique aussi qui lorgne du côté de l'Orient. On va continuer avec tout autre chose et un excellent coffret de captation live enregistré lors de trois soirées au Café Auto de Londres par un trio constitué par le saxophoniste ténor Evan Parker, le bassiste John Edwards et le batteur Eddie Prévost, qui sont réunis sur ce magnifique coffret du label de monsieur AMM Eddie Prévost Matchless Recordings, qui s'est fendu de ce coffret qui compte pas moins de 3 CD et un DVD, ainsi qu'un très très beau livret de photographies qui documente ces 3 soirs qui ont dû être assez exceptionnels à vivre sur la scène de ce club très très important dans la musique impro européenne depuis quelques années. Alors c'était 3 soirs et concert au mois de mai 2013, les 27, 28 et 29 mai. Chaque CD retrace une soirée, d'abord le trio, puis le trio augmenté avec la participation du pianiste du Globe Unity Orchestra, vieille connaissance d'Evan Parker, Alexander V. Schlippenbach. Et le troisième CD voit l'adjonction d'un tromboniste, Christophe Thames, totalement inconnu en ce qui me concerne. Et là, je vous propose d'écouter plutôt la musique du trio, Evan Parker et Eddie Prévost, qui se connaissent depuis les années 70, depuis leurs propres les groupes dans lesquels ils officiaient, le Spontaneous Music Ensemble pour Evan Parker, ou encore AMM avec Isro pour monsieur Eddie Prévost. Et c'était Derek Bailey et sa formation Compagnie qu'ils avaient réunis aussi au début des années 70, donc un festival de 3 jours au Café Auto qui marque un peu leur retrouvaille. Et bien évidemment, il s'agit de sessions complètes avec des titres très très longs enregistrés lors de ces improvisations live. Donc je vous propose d'écouter le trio du premier soir du 27 mai 2013 à partir de la 10e minute. Vous pouvez fermer les yeux et vous serez au Café Auto. Thank you. Thank you. Une séquence d'impro crépusculaire pour terminer les sélections de l'Asile le plus sûr de cette semaine avec très longue séquence donc qui a démarré avec un extrait de cette nuit au Café Auto du 27 mai 2013 que vous pouvez retrouver sous ce coffret Three Nights at Café Auto, coffret triple CD et DVD, j'ai pas encore regardé le DVD d'ailleurs, qu'a sorti la marque de disque de monsieur Eddie Prévost, Matchless Records ou Matchless Recordings plus exactement, et donc un trio dans lequel on retrouvait Evan Parker aux côtés du contrebassiste John Edwards et du batteur donc Eddie Prévost. Evan Parker et Eddie Prévost qui ont un peu plus de 70 ans et John Edwards qui est un peu plus jeune, qui a une cinquantaine d'années. Excellent trio sur ce premier CD, rejoint par Alexander Van Schlippenbach sur le deuxième, qui est encore un peu plus âgé que les deux autres, et un tromboniste nettement plus jeune sur le troisième CD, coffret avec pas mal de photos et un DVD qui est vraiment brillantissime si vous intéressez à cette scène de l'impro européenne britannique qui était enchaînée avec un autre CD, mais un CD simple cette fois-ci de la formation Plateforme et le disque Anthropocène, publié par la jeune marque Va Fungul, qui est un label norvégien, comme la formation Plateforme, enfin plutôt qui réunit trois Norvégiens, Norvégiennes et un Français. Les Norvégiens d'Oslo, pas très connus, Jonas Cambien, Jan Martin, Gis Mervik et Katrina Schott. Un mélange batterie, violoncelle, piano et clarinette. Et à la clarinette, c'est Xavier Charles qui rejoint ces trois Norvégiens pour cet excellent disque sorti le mois dernier sur étiquette VA Fungul, label basé à Oslo, qui existe depuis 2012 et qui est dédié au jazz contemporain et aux musiques impro européennes. Ils ont sorti, par exemple, ces dernières années, je crois qu'ils s'étaient créés pour ça, la rencontre entre Mats Gustafsson et Ichbin Nintendo. Voilà, l'émission est quasi terminée. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble de ce programme sur le site asile35.blogspot.fr ou sur le mixcloud.com/redman pour écouter les sélections de cette semaine et de ces derniers mois et consulter l'ensemble des playlists avec les liens pour retrouver les albums qu'on vous a proposés dans les îles le plus sûr. On se quitte avec une dernière sélection et de la musique psychédélique, là encore norvégienne, un combo qui existe depuis 1981, qui répond au nom de Famalde Forsok, totalement inconnu au bataillon, et je pense que vous n'aurez pas l'occasion de réentendre ça sur les antennes avant très très longtemps. Projet très très rare, très psyché, underground, qui vient de sortir un disque sous le titre Washing China sur Prisma Records, c'est distribué par Metamkin, projet qui a sorti plutôt des cassettes et quelques vinyles, mais qui est assez feignant sur les bords. Ils se sont reformés vers 2007 et l'enregistrement qu'on va écouter est basé à partir d'un concert de 2009 qui a été retraité avec des participations de quelques connaissances, notamment Jean-Hervé Perron de Faust, ainsi que Johan Mazet de France Sauvage, le Showstrap et autres cercles des Malissimalistes. Donc de la musique plutôt de trip psychédélique hallucinatoire, avec le poète intergalactique Brut et Lumpy Davy et Chris PH pour ce Famlande Forsok. Et on écoute un extrait donc de ce Washing China qui sera une très très belle conclusion à l'émission de cette semaine pour le voyage cosmique. Je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à la semaine prochaine. gamle lyder. Sure, kjedelige, grumsete, fæle, teit piss. Analoge gulp og høytidlig piss. Dette har noen Nordheim på åpedopp. For noen dilletanter. Pose på magen. Intravenøs samsara for gamle menn. For gamle for vikingnarnia. Prostatata. Same old shit. Samme sølekake. Samme seige industri på tomhalgang blues. Selv ikke fjellene tåler å bli så gamle. Larme I harme, men ikke ramle. Skramleskallfestivalen. Det faen med meg olje I paren. Misjonsstilling dro de på salmesykkel gjennom Gobi-ørkenen og jakt etter spor av en sang en som skulle gjøre den berømt denne gang famlende forsøk på etnisk slag det gaulet I moten og luro danglet I bjellene og teknologisk fjas en masse alt for mye lyd og lite fokus Slik døde dinosaurene ut igjen. Slik kom veien opp igjen. Og templene sukket. Det var verre en dumledag og finnårsmark. Og støyguren sukket. Tok nok en magedrag, men lo. Vi bare luper det etterpå. Legger mye støy på. Og det vil nok gå. Det gjorde nok det. På et vis. Ikke støren. Der døren.